j'assume pas, je suis dans le déni. Besoin de te voir, besoin qu'on s'explique. Plus je pense à toi, plus mon cœur s'effile. Plus le temps passe et je m'empêche de vivre. Je me rappelle de nous deux dans la Clio. On rêvait de faire des choses impossibles. J'ai rien vu venir, je t'ai vu partir. Pour moi c'était la fin de la partie. Quand t'es parti, les remords s'installent petit à petit. Seul dans la salle, plus d'appétit. Le temps me rattrape, mais t'es parti. Si tu savais combien je t'aime fort. Si tu savais comment je suis désolée. Si tu savais que t'étais toute ma force. Si tu savais, si tu savais. Si tu savais combien je t'aime fort. Si tu savais comment je suis désolée. Si tu savais que t'étais toute ma force. Si tu savais, si tu savais. J'ai le regard vite, j'suis saoulé. Je passe mon temps à sonner. J'ai comme l'impression d'avoir perdu ma moitié. Là il est l'heure de rentrer. T'es plus à mes côtés. Je dois fermer les yeux pour pouvoir te voir dans mes pensées. Dans mon téléphone, je regarde encore le dernier rappel. J'arrive toujours pas à y croire. Cœur blanc devenu noir. Quand t'es parti, les remords s'installent petit à petit. Seul dans la salle, plus d'appétit. Le temps me rattrape, mais t'es parti. Si tu savais combien je t'aime fort. Si tu savais comment je suis désolée.